Cher monsieur Bouchard, mes chers amis, ma femme me disait tout à l'heure, sois pas trop mauvais. Comment? Soir de... déjeuner. Et tout de même, nous restons quand même des soldats dans la grande cause que nous avons épousée. Je veux d'abord remercier du fond de mon cœur mes amis, et je ne pensais jamais en avoir autant, qui m'ont adressé des témoignages d'à peu près tous les continents, des États-Unis, de toutes les provinces canadiennes, et surtout de notre belle province canadienne-française. Et je veux remercier ceux qui ont pensé, malgré mon désir, parce que j'aime tant à être tranquille tout seul dans un petit coin de la Norette, à lire, méditer et étudier une quinzaine d'heures par jour. Je les remercie du fond du cœur d'avoir organisé cette manifestation. Et je veux vous dire surtout ma joie, mon immense joie, de voir à mes côtés, à cette table, sans qu'il en manque un seul, mes compagnons de captivité ou leurs veuves ou leurs fils aînés. Ce sont les victimes du plus grand déni de justice qui se soit jamais passé dans l'histoire du Canada. Des gens loyaux à la couronne, à la patrie, au Christ, à la foi, au trône, à l'autel, que des voyous juifs comme frérot. Comme frérot, le traître des trois, ont fait interner ces gens-là ou leurs époux. Et au lendemain de libération, trois mois même avant d'être arrêté comme le plus grand traître de l'histoire de notre pays, le lendemain même qu'ils étaient libérés, en 1935, 100 000 circulaires à Montréal et 75 000 à Toronto, regardez, Mussolini a été pendu, Adrien Arcan est libre. De quel droit? Et ça, c'était publié sous la signature de Fred Rose, député fédéral, traître, qui avait vendu tous nos secrets militaires à la Russie communiste, et qui, lui, a eu des procès en gants blancs, avec cautionnement, appel, pendant que ces gens-là pouvaient à ma gauche et à ma droite, sans accusation, sans procès, sans jugement, étaient détenus en captivité et pendant 18 mois n'ont pas eu le privilège de voir leurs femmes ou leurs enfants. Et c'était des Canadiens de 300 ans de souche dans le Québec. Et ça pour plaire à des cocheurs qui n'étaient même pas nés dans notre pays et qui s'imaginent en être les maîtres aujourd'hui. Je les salue avec un respect, une admiration profonde. En ce qui me concerne, moi, ça ne me fait absolument rien. J'avais accepté d'être le chef de tout ça. Je m'y attendais. On me l'avait dit. À la demande du trône et de l'autel. Représentants de la couronne et de la croix m'ont demandé de faire cette bataille-là en me disant, tu as le talent, je m'en croyais pas tant que ça. Ça dit, continuez quand même. Vous savez, quand on a 30 ans, qu'on part, qu'on s'en va à la... et la tournée de l'Amérique du Nord. Ne t'occupe plus de l'Empire britannique, il est fini. Occupe-toi de l'Amérique. J'ai fait le tour de l'Amérique. J'ai vu tous ces États et toutes les provinces canadiennes. J'avais 15 noms à éplucher. J'en ai vu 14. Et dis-toi, je viens de voir, tu es un Français. Puis il dit, je prends le bateau demain midi. Il a passé 15 jours. Et là, il m'a dit, you are the man. Tu es là. J'ai sondé ta femme. Elle te suivra partout. Et je lui rends ce témoignage en vous remerciant pour les fleurs qui ont si bien exprimé votre pensée ce soir. Et je tiens à dire, et toutes les femmes d'internés, de prisonniers de camps de concentration qui sont ici, et il y en a d'autres dans la salle parce qu'il n'y avait pas cette place à la grande table, peut vous le dire, elle a été la femme parfaite, la mère modèle, la patriote invincible, la consolatrice de toutes ses compagnes pendant tout ce temps. Alors, j'ai dit, I am the man, all right. Très bien, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Ils ont dit, on va te jeter par-dessus bord du bateau. Maintenant, il faut que tu nages et que tu parviennes à la rive. J'ai dit oui, mais si les requins me dévorent pendant que je nagerai, ou si les poches me manquent, j'arrive pas à la rive, ben, c'est la meilleure preuve que t'étais pas là, on en trouvera un autre. J'ai dit, c'est la seule consolation que je peux attendre de tout mon combat. C'est la seule consolation encore que tu peux attendre pour tout ton combat. Ben, j'ai dit, c'est tellement bête ce que vous me proposez là, j'accepte. Comment ça serait bien pour ça? Et je ne me suis pas noyé et les requins ne m'ont pas encore mangé. Voici comment tout ça a commencé. Il est bon, vous savez, de faire un petit peu d'histoire qui passait. C'était en 1929. Depuis 8 ans, les communistes avaient pris le pouvoir à Moscou. Octobre 1917, la grande révolution d'octobre. Et c'est curieux que le même jour, 13 octobre 1917, à Fatima, au Portugal, la Madone était apparue à trois petits ignorants qui ne savaient ni lire ni écrire, qui gardaient des troupeaux et leur avait dit ceci. Allez dire que si les chrétiens ne restent pas chrétiens comme ils devraient, la Russie va ravager le monde avec ses erreurs. Même jour que Staline, Lénine, Trotsky, Kamenev, Khrushchev et toute cette clique de bandits prenaient le pouvoir. Le même jour, la Sainte Vierge nous prévenait. Et en 1952, Pie XII reprochait à la presse mondiale et surtout à la presse catholique, genre Devoir ou l'Action catholique de Québec ou la Croix de Paris, d'avoir caché le message de la Madone. Parce que c'est elle qui doit écraser la tête de l'eau. C'est elle qui est le premier ministre qui a remplacé l'autre premier ministre qui est tombé en disant « Non, me servir, vous ne servirez pas. » Et elle en disant « Je suis un servant du Seigneur. » Ce sont des choses, ce n'est pas un sermon que vous faites. Vous faites de la haute politique. Voici pour voir. Depuis 1917, s'est établie dans le monde une politique qui s'appelle communisme. Et donc, les premiers articles du credo sont les suivants. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme humaine, Il n'y a pas d'autre plat. La religion est la pierre du peuple. Il faut la détruire. Ce n'est pas des religieux qui disent ça. Ce sont des chefs politiques dans un programme politique qui aujourd'hui régit la moitié du genre humain. Il n'y a point de Dieu. C'est en politique, ça. Et regardez ce qu'il y a à Cuba, à Pékin, derrière le rideau de fer, Moscou, Sofia, Bucarest et partout ailleurs. Des campagnes officielles payées avec les taxes des contribuables pour l'athéisme, la guerre à Dieu. Ils disent Dieu n'existe pas. On lui fait la guerre. D'abord, rien que ça, ça me situe plus fou sur la terre. Voyez-vous, si les mêmes régimes disaient on s'en va faire la guerre au bonhomme cette heure. Vous allez s'en foutre, il n'existe pas. Ben, les autres disent Dieu n'existe pas, puis ils font la guerre. Avec des deniers publics. Ou bien faire la guerre aux clipettes, faire la guerre aux petits hommes, enfin, à la chasse-galerie. On dit que ça n'existe pas, mais quand on leur fait la guerre, on ne peut faire la guerre qu'à quelque chose qui existe. Bon, l'autre moitié du monde croit encore un peu en Dieu. D'abord, la France, ils n'ont pas le droit de mentionner le nom de Dieu. La France est officiellement laïque. Bon. Aux États-Unis, in God we trust. En Angleterre, Dieu est mon droit. Dieu en premier. Alors, vous avez cette partie-là. Et c'est ça qui se dispute le monde. Au temps du prophète Isaïe, on disait, c'est lui qui l'écrivait, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu est un fou. Aujourd'hui en Russie, on dit, celui qui dit qu'il y a un Dieu est un fou. Et remarquez ceci, que tous ceux qui préconisent Dieu passent pour des fous et des fous furieux. Regardez ce qu'on dit de Lord Walker à ce moment. Qui dit ceci, et je l'ai vu de mes propres yeux. Il dit, les États-Unis, voulez-vous savoir qu'est-ce que c'est, mes amis? À Cincinnati. Il sort une bière d'argent. In God we trust. En Dieu, nous mettons notre confiance. Et c'est là-dessus que nous avons bâti les États-Unis. Il nous a donné le reste parce que quoi? En moins de 100 ans, nous sommes devenus le peuple le plus riche et le plus puissant de la terre, de toute l'histoire humaine. Et il dit, et ce Dieu qui nous a tant donné, nous en avons fait aujourd'hui un hors la loi dans les écoles de nos petits-enfants. Quand je serai président, je m'en vais le remettre, moi, dans nos écoles. Et c'est pour avoir dit ça. Il passe pour un fou. Lisez les journaux, suivez bien. Tout ce que notre presse. Et quand je parle de la presse, je vous assure que je m'y connais. J'ai 45 ans de métier. C'est mon métier. C'est ça qui m'a fait vivre. J'ai été président moi, des journalistes. Et aujourd'hui, je suis obligé de dire que notre profession se déshonore. Se prostitue est l'agent de l'anti-civilisation et de l'anti-christianisme chez nous. Et des journaux qui disaient irrévocablement dévoués aux intérêts catholiques et canadiens français. Et d'autres qui disaient le journal d'archevêché de Montréal comme le devoir, avec une buse, un ignorant prétentieux comme Claude Ryan aujourd'hui. Ce sont des journaux qui travaille contre la culture chrétienne, contre la civilisation chrétienne. Alors, c'était en 1929. Le communisme faisait des ravages partout au pays, et d'ailleurs partout dans le monde. On commençait à sentir les prodromes de la guerre civile d'Espagne. On lisait dans les journaux étrangers, et j'en savais de partout, des signes avant-coureurs de révolution mondiale. Parce que la première guerre avait été une révolution. C'était les Blancs d'Europe, les Occidentaux, qui s'étaient tout battus entre eux. Tout le monde avait perdu. Il y avait eu 30 millions de morts. La plus belle jeunesse, la crème, la fleur de la race blanche. Parce que pour être dans l'armée, il ne faut même pas avoir les pieds plats. Les physiquement parfaits. 30 millions d'anéantis. Pourquoi? Pour l'arrivée du seul triomphant, le judéo-communisme établi en Russie. Et pourquoi avait-il choisi la Russie? Parce qu'elle chevauche l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient, l'endroit le plus stratégique de la Terre. Et c'était rendu chez nous. J'ai été le seul, le premier au Canada à me lever pour faire face à ça. J'ai fondé un mouvement que nous avons d'abord appelé le Parti national social chrétien. National parce que nous étions patriotes voués à notre patrie nationale. Social parce que nous voulions régler la question sociale que les socialistes soulevaient en proposant des thèses matérielles. Matérialisme veut dire, pour vous dire carrément ce que c'est, tout court matérialisme. L'homme est un animal sans âme, comme la vache dans le champ, comme le gorille dans son arbre, comme le lion, un animal sans âme. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... C'est ça le matérialisme, la matière, rien que l'âme. Ça, c'est la solution socialiste. Inventée par rien que des Juifs. C'est pas de ma faute, moi. C'est rien que des Juifs qu'on trouve à la fondation du communisme. Le manifeste communiste, qui c'est qui l'a fait? Karl Marx, un Juif, son genre, Ferdinand Lassalle, son associé, Friedrich Engels, trois Juifs. Et puis, tous les mouvements socialistes et communistes au monde ont toujours été dirigés par des Juifs. Ici, en Canada, c'était Fedro, Sankar, tous des gars nés en Europe, puis qui voulaient nous mener. Comme dernièrement, le chef des séparatistes, là, le faiseur de cocktail Molotov puis de lanceur de dynamite, le nommé Sherm, là, Sherm ou Shrim, Shrim, je ne sais pas trop, un importé, quand on a photographié les accusés, qu'est-ce qu'il dit, lui, à la police? Cet importé, athée, communiste, de quel droit photographiez-vous mes armes? Il dit ça. C'était à lui, les Canadiens français. C'était à lui, mes armes, un communiste. Vous l'avez tout lu dans les journaux. C'est ça qui, aujourd'hui, mène la jeunesse et la débauche. Ça se répandait dans le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fondé ce mouvement-là. C'était provincial. J'ai dit, il faut se protéger dans Québec. Les rouges, les bleus, les autres ne comprennent rien. Tout ce qui les intéresse, les autres, c'est le pouvoir pour les contrats, pour les jobs, pour les promotions. C'est ça, dans le fond. Il n'y a pas d'autre différence. Vous avez des coquerelles bleues pendant 4 ans, puis ensuite, c'est des coquerelles rouges, puis ensuite, c'est des coquerelles bleues, des coquerelles rouges. Mais c'est toujours des coquerelles dans cette couleur. Mais les grands principes fondamentaux, supérieurs, pour défendre notre culture, notre civilisation, il n'y en a pas. C'est de l'endormir. Alors, j'ai fondé un mouvement. Parti national social chrétien. Un ou deux ans après, dans toutes les autres provinces, se sont dessinés des mouvements semblables, essentiellement contre le communisme. Parce que le communisme, il dit ceci. Nous voulons détruire la civilisation et la culture occidentale chrétienne. Bon. Une culture, vous le savez, c'est toujours positif, c'est affirmatif, c'est constructif. Qu'est-ce que dit notre culture, Léo? Elle dit ceci, il y a un Dieu, il y a une âme humaine. L'âme, c'est une créature. Il a des droits qui viennent du Créateur. Droit de vie, droit de liberté, droit de propriété, droit d'initiative personnelle, droit de libre entreprise. Ça, c'est la base, c'est le fondement de la culture et de la civilisation occidentale, c'est-à-dire des hommes blancs. Moscou, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'âme humaine, pas de propriété privée, pas d'initiative personnelle, pas de libre entreprise. C'est simple, c'est clair. On m'a invité en novembre 1963 à Radio-Canada, à Toronto, pour parler à Halifax, Vancouver, un programme anglais. J'y suis allé. Ils ont été très chers. Ça a coûté cher, ça, vous savez. Alors, vous autres, vous payez des taxes. 20 piastres pour mon taxi. un billet de jet plane aller-retour, des repas tout cassés à l'hôtel des 4 saisons en face de Radio Canada. Puis ces autres, ils avaient préparé une question. Ah, ils avaient-tu préparé une question? Mais c'était des questions pièges. Moi, je m'étais dit ceci. Je les connais. Quelles sont les questions qu'ils peuvent me poser? Alors, quand on avait écrit 300 questions, j'avais écrit mes 300 réponses. Ben, les imbéciles, ils ont frappé les 10 premières que j'avais écrites. Alors, vous comprenez si ça pichait quand ça répondait. Puis celui qui m'avait interrogé, il avait toutes ces questions préparées d'abord. Il dit, vous pouvez répondre à n'importe quoi. J'ai dit, monsieur, je sais qu'il y a des sujets interdits, dangereux, explosés, je ne les soulèverai pas. Mais si vous les soulevez, I will oblige. Ça me fera bien plaisir de vous répondre. Il a tombé dans la famille. Il dit, vous savez, je suis professeur d'économie politique à l'Université de Toronto. J'ai dit, mon Dieu, ça se voit. Alors là, les raies, ils ont cassé un petit peu. Puis il a passé 100 ans d'entrevue. Vous la verrez probablement parce qu'il en fait de tuer. Le Congrès juif canadien a demandé de la détruire. Mais le président, M. Rimet, à qui j'avais dit, vous subissez les ordres de la juiverie. Et il dit, M. Arcand, c'est sous scellé, c'est dans les voûtes de Radio-Canada, on ne sait pas quand ça passera. Mais je vous préviens, si jamais vous voyez passer cette entrevue-là, vous allez voir le fameux professeur d'économie politique. Ben, sa cigarette tremble de même tout le temps, il y a la branlette, là. Il y a la branlette. Alors, c'est ça que là, moi, je comprends. J'ai été le premier au pays à me lever. Là, comme je vous ai dit, ça s'est dessiné dans les autres provinces. Les chefs des autres provinces ont communiqué avec moi, m'ont demandé qu'est-ce que vous avez comme programme. Le programme du PNSC, Parti national social chrétien, avait pris 16 mois à être rédigé. 25 personnes, ingénieurs, notaires, avocats, médecins, marchands, industriels, chefs d'union ouvrière, enfin, de tous les milieux, nous nous étions réunis pendant 16 mois, deux soirs par semaine. Et nous avions étudié une cinquantaine de programmes et constitutions de toutes sortes pour faire face au communisme. Et nous avions fait notre programme. Alors, les gens des autres provinces me demandent, avez-vous un programme? Je ne l'ai traduit en anglais, j'en ai envoyé une copie partout. Ils m'ont tous répondu, on est prêt à l'accepter. Pourquoi restez-vous un mouvement provincial pour vous? Pourquoi pas faire un mouvement national? Alors, j'ai dit, bien, arrangez-vous, convoquez une convention nationale. Elle a eu lieu à Kingston, en 1938. Et on m'a élu chef national. Il n'y a jamais eu un deuxième nom proposé. J'ai accepté d'être chef temporaire. Depuis ce temps-là, 20 fois, j'ai demandé qu'on m'enlève le manteau de plomb qui me pèse sur les épaules. On n'a jamais pu. J'ai formé des jeunes, des belles jeunesses, et j'aspire au jour où un jeune me l'autre, ce manteau-là, puis je le mets pas sur les épaules, et je serai prêt à me péter. Alors, on parle d'écuménisme. Je vous parle, moi, de 1937-38. On m'a demandé, à un moment donné, d'aller parler dans l'Ontario. J'ai exigé de parler devant des orangistes. Alors, on a réuni à peu près 600 à 700 personnes dans la Orange Hall, la salle de l'orange à Toronto. Là, je vous assure qu'il y avait des gars de rébarbatifs qui me regardaient de travers. Le point comme ça, là, puis j'ai dit, messieurs, je suis venu de Québec à votre invitation. Je faisais être brutal, peut-être insolent, peut-être impoli, mais je vais vous la dire la vérité. Telle que je la crois, telle que je la pense, telle que je la conçois. On va se battre après, ou bien on va s'entendre. Alors j'ai commencé comme ceci devant les oranges. Je suis catholique romain papiste. Pour moi, c'est la plus belle religion du monde. J'élève mes enfants de même, je vais mourir de même en itinant of your damn business. Vous êtes... Vous êtes des Anglicans. Pour vous autres, c'est la plus belle religion du monde. Vous êtes les mêmes, vous élevez vos enfants de même, vous voulez mourir de même en itinant of my damn business. But above all that, mais au-dessus de tout ça, Jésus-Christ est votre Dieu, Jésus-Christ est mon Dieu, vous êtes baptisé, je suis baptisé, vous êtes chrétien, je suis chrétien, ça c'est menacé mondialement. Est-ce qu'on ne peut pas s'unir au moins pour défendre ça? Je leur ai dit, je suis français, de sang, de race, de langue, de tradition. Pour moi, c'est la plus belle race au monde. Je veux mourir de même. And it's none of your damn business. Et vous autres, vous êtes des Austriques, des Hollandais du Nord. C'est la plus belle race au monde. Vous voulez mourir de même. Et c'est pas de mes affaires. Mais au-dessus de tout ça, vous êtes des Occidentaux. Je suis un Occidental. Vous êtes de race blanche. Je suis de race blanche. Vous participez à la même culture et civilisation que moi. Ça, c'est menacé. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'unir pour défendre d'autres mains ça? Et ensuite, ben, je suis entré dans les petites affaires locales. J'ai dit pendant 2 jours, j'ai visité Toronto. Surtout le cœur de Toronto, Spadina. Partout où je suis allé, confection pour hommes, confection pour femmes, meubles, bijouterie, viande, épicerie, des nécroches, des yeux de rat, des cheveux crépus, des tinsons, des papoumes de neige. J'ai essayé de trouver un Canadien français qui vous aurait volé une pinerie au Ben Stan à Hot Dog à Toronto, j'ai pas été capable de me trouver. Venez à Montréal. Je vais vous faire visiter, moi, Sainte-Catherine-Ouest, Saint-Laurent, Saint-Hubert-dans-le-Nord. Confection pour hommes, confection pour femmes, bijouterie, meubles, etc., etc. Les mêmes nécroches, les mêmes babouilles de mec, les mêmes cheveux crépus. J'ai essayé de trouver un oranger, un Anglais, qui nous aurait volé une billerie à Winston en Hot Dog, mais pas encore été capable d'en trouver. On a été volés tous les deux par la même gang. Est-ce qu'on pourrait pas finir pour trouver un petit peu qui reste? Alors... Alors, je lui ai dit, messieurs, après 2 heures et demie, alors je m'étais égousillé, j'avais la gueule tournée dans ce temps-là. Mais après 2 heures et demie, je lui ai dit, 204 gars dans l'allée. Ils font ça, ils ont ennuyé le thème un peu. Right, left, right, left. J'ai dit, ça y est, ils vont me sortir. Non, ils m'ont mis sur leurs épaules, ils m'ont fait faire 3 fois le tour de la salle, puis ils m'ont ramené à mon siège. Et là, le président, je me souviens de qui, un chétif, se lève et dit ceci, « Messieurs, je suis humilié, profondément mortifié, que ce soit un catholique, un papiste, un français, un québécois, qui soit venu nous donner un message d'unité nationale. » Et il dit, c'est nous qui aurions dû être les premiers à lancer ça. Alors, il dit, jeune homme, revenez. Revenez dans l'Ontario. Nous vous protégerons. Et il faut que tout le monde entende ce que vous avez à dire. Et je suis retourné 42 fois. Et à Maceiras, j'ai vu des centaines d'orangistes fanatiques devant qui je n'ai jamais fait concession sur ma foi, sur ma langue ou sur ma race, des centaines se crèvent blessés pour permettre à un Français catholique de parler dans Toronto. Ça, c'était l'unité nationale. aujourd'hui, les politiciens gauche-droite. Pourquoi? Parce que quand la chose s'est vue, l'élément diviseur, anti-culturel et anti-civilisateur, anti-chrétien, a dit qu'il faut que cette affaire-là réussisse, on finit donc. Alors, Arkham devenait un traître, un espion, un agent d'Hitler ou de Mussolini ou du Mikado. Il y en a qui disaient que j'étais un agent de la franc-maçonnerie anglaise ou de l'Intelligence Service. Les journaux de Toronto disaient que c'est un agent du pape qui veut établir une république laurentienne et reçoit de l'argent du Vatican. Il n'y a rien qui ne s'est pas dit. Et même le journal officiel de la CCF, The New Commonwealth, publié en première page. Arcan est un ivrogne, une brute, un dégénéré qui a chassé sa femme à coups de pied, qui vit en concubinage avec une cocotte et qui élève des enfants illégitimes. Alors ma femme dit, écoute un peu, il y a des limites, poursuis. Mais j'ai dit, écoute ma fille, si le même journal avait dit Arcan, on une verrue grosse comme un jaune d'œuf sur le bout du nez, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Rien comme de se garder le nez. Et quant au reste, c'est un défi que des pourceaux me lancent. Si je vais lutter avec eux dans leur sou, même si je gagne, je serai aussi sale qu'eux autres quand j'en sortirai. Alors, là, on faisait des assemblées. On s'est mis à nous envoyer des communistes pour troubler nos assemblées. Ils venaient par 200, 300, 400. Là, nous autres, on avait les vétérans du 22e. Des gens respectueux du trône et de l'autel, qui s'appelaient alors les casques d'acier. Ils avaient fait nickeler leur casque de fer. C'était ça, les premiers défenseurs de nos assemblées. Mais tout de même, il n'y en avait pas assez. Alors, j'ai dit que là, on va pouvoir se défendre. Mais pour se défendre, il faut connaître l'ennemi. Je me suis mis à observer, dans l'Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans le Québec, comment les communistes pouvaient venir se battre, mais jamais se frapper entre d'autres. Ils avaient un uniforme. Ils se laissaient pousser à battre pour avoir un stock. Jamais de cravate, la chemise ouverte, c'était leur signe de vêtement. Bon, un air de terrorisateur. Top, rock. Moi, j'ai dit, très bien, on va lever des troupes, nous autres aussi, pour défendre nos assemblées. Et nous autres, c'était une question d'ordre et de discipline chez nous. Un de nos membres qui allait troubler une assemblée conservatrice, libérale, socialiste, communiste, était expulsé. On n'endurait pas que nos membres soient des fauteurs de troubles. Alors, on a dit, on va prendre vos jeunes ouvriers. Nous autres, on va leur dire, rase-toi. On va te mettre une chemise sur le dos, couleur bleue, blanc, or. Vous avez entendu parler d'un journal, la chemise noire d'Arcan, la chemise brune d'Arcan. Non, c'était bleu, couleur or. On mettait l'uniforme de l'ouvrier à l'honneur, nous autres. Puis on dit, oh, petit gars, fais-toi trimer les cheveux. Lave tes mains, puis tiens-toi à l'attention. Un spectacle d'art, de discipline, de respect de sa personne. Parce que quelqu'un qui ne se respecte pas, ne respecte pas les autres. Alors, à un moment donné, on en avait 2 000, 4 000, 6 000, 8 000 à Montréal. Alors là, ce sont les terrorisateurs communistes qui sont devenus terrorisés. Chaque fois qu'ils venaient se frotter sur nous autres aux assemblées, on avait le dessus. Il en est venu des centaines et des centaines et des centaines à Toronto. On a eu le dessus. Alors là, ben, on était des SS, des SA. Oh, on était des tueurs. C'est quelque chose d'horrible. Et les communistes avaient une escouade. Pat Walsh en faisait partie dans ce temps-là. Il était dans le Parti communiste. Pat Walsh. Une escouade. Quand le Parti communiste avait besoin d'argent, c'est où ce qu'il faisait? Ils allaient barbouiller des croix gammées sur les synagogues. Ils allaient renverser les pierres tombales dans les cimetières juifs. Photographier ça, ils allaient montrer ça aux juifs. Ils disaient, arrêtez la gagne de la campagne. Vite, donnez-nous de l'argent, on va y voir la cigarette. Et Patoir dit, le plus petit bille qui tombait, t'en as pas, c'était un bille de 100 piastres. Ça, c'était le plus petit. Ça souscrivait. Ça, c'est de l'histoire et des faits qu'on écrit dessus. Moi, j'ai expulsé des membres une fois 142 d'un seul coup à Toronto. Parce que simplement, ils avaient apporté des bouts de tuyaux dans leur poche. J'ai dit, vous avez vos coins pour vous défendre. Oui, mais ils ont dit les autres ont des tuyaux, ils ont des wrenches, ils ont des débords de fer. J'ai dit, pas d'armes. Si on ne peut pas les battre sans armes, on peut s'y mettre d'être-les. Parce qu'on a le nombre pour les tuer. Alors, cette semaine, ça a commencé. Et là est arrivée la guerre civile d'Espagne. Des grèves sur le tas. En France, avec l'homme, les grèves sur le tas aux États-Unis. Restant dans toute 39. Churchill avait publié une série d'articles dans le Daily Herald de Londres pour nous expliquer que le communisme était une affaire juive, fondée par les Juifs, financée par les Juifs, propagée par les Juifs à travers le monde. François Petit, le parfumeur, dans ses grands journaux, le Figaro, et l'ami du peuple, avait fait une longue série d'articles disant la même chose. Henry Ford, fondateur de la compagnie Ford, avait dépensé 4 millions pour connaître les origines de toute cette affaire-là. Et il en avait publié dans son grand magazine, The Dearborn Independent, de Détroit, que c'était encore une affaire juive. Le Morning Post de Londres, longue enquête, et il disait ceci. Avons-nous évité la paix allemande à la Première Guerre seulement pour tomber dans la paix juive mondiale? Bon. Alors, il était évident que la Première Guerre mondiale avait été simplement un premier coup, un premier assaut contre la civilisation chrétienne occidentale. Et qu'elle devait être suivie. C'était un plan, ça. En trois actes, une tragédie en trois actes. Qu'il devait y avoir une deuxième guerre dans les 20 ans après. Traité de Versailles 1919, deuxième guerre mondiale, 1939. Alors, la deuxième guerre, ça en est. On n'était pas prophète. Moi, je lisais les journaux juifs, puis comme on dit, tout était écrit, tout était mis dedans. C'est comme ceux qui avaient lu Mein Kampf d'Hitler. Il n'y avait pas besoin d'être surpris. Il y avait tout écrit qui était pour faire. Il n'y avait rien caché. Même chose, c'est que si moi je répète ce soir ce que le juif a écrit ou dit, alors là je suis un antisémite. Lui a le droit de le dire, moi je n'ai pas le droit de le répéter. C'est ça qui est la patente. Aujourd'hui, il faut tout prendre à l'envers. Je voyais dernièrement à la télévision les gens, une nouvelle danse, Monkey Dance, la danse du singe. Et là, les jeunes s'expliquaient que c'est ce danse-là. Le gars, il dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, ils ont fait des gestes qu'on essaye d'imiter le singe. Ben, depuis Adam et Ève, c'est le singe qui a toujours imité l'arbre, puis aujourd'hui, ben, c'est l'arbre qui imite le singe. T'es rendu de main? C'est comme au Conseil œcuménique, là. Faut prendre ça dans l'air. Là, les Juifs, s'ils pouvaient s'en emparer, ils le feraient. Puis là, ils achètent le Vatican sur le déicit des Juifs, la responsabilité des Juifs. Puis ils veulent se faire absoudre d'avoir tué Jésus-Christ. Mais si vous prenez la vraie vérité, là, si vous lisez leur catéchisme, ça enseigne encore aujourd'hui, de nos jours pour les Juifs, le Talmud, mais c'est Jésus-Christ qui devrait demander l'absolution des Juifs. Parce que dans le catéchisme juif, on dit ceci, et c'est enseigné tous les jours. Le Christ était un imposteur, un blasphémateur qui méritait 5 ans de mort ignominieuse. On a les 5 ans de mort qu'il doit subir, et le dernier, c'est la crucifixion, le crucifixion. Il enseigne en bas ça aujourd'hui. Il va se faire absurde, puis il dit ce qu'il mérite d'être crucifié. Alors, mais ça, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Alors, tout est à l'envers. Euh, comme je vous disais, on était au bord de la guerre civile. Nous savions qu'une deuxième guerre allait se faire. Pas plus, parce que nous étions plus fins que d'autres, nous l'avions lu. Alors moi, pendant les 6 mois qui ont précédé la guerre, j'ai fait une campagne, Ontario, Québec, Manitoba, disant ceci. Une deuxième guerre mondiale s'en vient. Inévitable, elle est décidée. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il va falloir y forcer. Et cette guerre a pour but ceci. Détruire les empires de l'homme blanc, les empires occidentaux. L'empire anglais, l'empire français, l'empire belge, l'empire espagnol, l'empire portugais et l'empire hollandais. C'est annulé. Et ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni la France, ni les États-Unis, personne ne va gagner, sauf le communisme universel qui va s'étendre sur le reste du monde. C'est ça qui est arrivé. Arrive le 1er septembre 1939. L'Angleterre lance un ultimatum à l'Allemagne qui vient en plein combat. Moi, je réunis mes quartiers généraux. Je télégraphie à travers tout le Canada, à tous nos organisateurs. Des lettres elles-mêmes, des téléphones, enfin tout. Arrêtez tout. Toutes activités, toutes publications du parti, nous reprendrons après la guerre. Alors, j'inverse tout, assemblée, discours, publication. L'Angleterre hésite le lendemain 2 septembre, son ultimatum. Elle le renouvelle au lieu de déclarer la guerre. On sentait que l'Angleterre ne voulait pas la guerre. Bon. Alors, le 3 septembre, nouvel ultimatum le 3 septembre, le Canada n'est en guerre que le 10. Parce que la Chambre des communes, à Ottawa, a passé une loi spéciale. Déclaration de guerre. Nous autres, ça a pris 9 mois qu'on est arrêté. Ils essayaient par tous les moyens, ils tapaient nos lignes de téléphone, ils nous suivaient, ils auraient vu qu'on passe quelque chose pour nous arrêter. Il y avait le grand rabbin de Toronto, nommé Eisenbrat, un sujet américain. Il était toujours rendu chez le ministre de la Justice Lapointe. Il faut arrêter Arcand et ses amis. Puis il y avait très drôle. On était tous, ils passaient tous des agents d'Hitler. Comme le maréchal Pétain, c'était un autre agent d'Hitler. C'est curieux que tout le monde dit qu'il prend conscience de la conspiration russe, c'est un agent d'Hitler. Quand Saint-Louis de France a expulsé les Juifs de France, ça devait être un agent d'Hitler. Quand Édouard Ier d'Angleterre, en 1100, a expulsé les Juifs, Édouard Ier d'Angleterre devait être un agent d'Hitler aussi. Et Saint-Étienne de Hongrie, et Saint-Ladislas de Pologne, mais tu sais les Juifs. Pour moi, c'était des agents d'Hitler. Puis quand Isabelle la Catholique, en 1492, a expulsé les Juifs d'Espagne, je soupçonne qu'elle était un agent d'Hitler. C'est hallucinant. Non, mais c'est pour vous montrer comment la propagande était. Alors, ça a pris 9 mois pour nous arrêter, sous la pression des Juifs. L'ambassadeur d'Angleterre à Washington m'envoie quelqu'un à Montréal pour me dire ceci. Monsieur Arca, et regardez bien, ni le premier ministre King, ni le ministre de la Justice Lapointe ne pouvaient même soupçonner cet arrivant. L'issue avant l'eau. L'ambassadeur de Grande-Bretagne vient me dire, Monsieur Arca, la pression des Juifs et de leur F.D. Roosevelt est tellement forte sur le Foreign Office, il va falloir vous interner pour la durée de la guerre. Nous souhaitons que vous ayez la santé qui passe. J'ai dit, quand est-ce que je vais aller m'interner? Il dit exactement dans 30 jours, il sera arrêté. J'ai dit, pourquoi? On va trouver n'importe quelle moitié. Il faut vous arrêter. Alors, le lendemain, la campagne commençait. Puis là, c'est très drôle, hein? Depuis que c'est Saint-Louis, le juif, le seul. Avez-vous remarqué que le seul traître qu'on a eu au pays, ça a été un juif? Très drôle. Les Juifs nous disent des fois, « Oh, les tsars de Russie avaient fait des programmes, avaient été un justice pour ça pendant les communistes. » Mais qu'est-ce que le Canada et les États-Unis ont fait aux Juifs? Ils sont devenus riches, puissants. Ils ont tout eu ici. Pourquoi trahissent-ils nos pays? Pourquoi les Rosenberg électrocutés qui ont donné la bombe atomique à la Russie, ont-ils trahi un pays qui a tant à faire pour eux autres, qui les a mis si riches, qui leur a donné la plus grande sécurité, ben, avoir n'importe où. C'est dans ça. C'est dans ça que je veux dire. Et là, même, au chef, là, sa fille de Marie de Juif, mais lui-même en est tombé. Il y a des raisons pour ça, c'est parce que c'est Pékin aujourd'hui qui mène les peuples de couleur en révolte contre la race blanche. C'est Pékin. Alors la Russie est obligée d'essayer de prendre le terrain avec lui. Bon, alors, on nous arrête en vertu des mesures, la loi des mesures de guerre. Tout ce qu'il y a dans la grande charte d'Angleterre, dans le Bill of Rights, le Bill des droits blancs, les brefs de prérogatives, le code criminel ou le code civil ou la loi des mesures de guerre, tout a été mis de côté dans le cas, mon cas et mes amis que vous voyez ici. S'il y a des avocats dans la salle, ils comprendront peut-être ce que ça veut dire. Quand, après 3 semaines d'enquête préliminaire, on n'a pas trouvé un atome contre nous, après avoir produit un seul témoin, on dit l'enquête préliminaire est ajournée sine die, indéterminée, malgré nos protestations. Ça, c'est le premier des droits de l'homme qui a été violé. Ensuite, on nous interne. Remarquez bien, ça fait 9 mois que la guerre existe. On nous laisse à Bordeaux, incommunicado, pas devoir voir personne pendant 3 semaines. Pas même le droit d'aller 5 minutes dans la cour anglaise. Et on nous arrive un jour, on dit, il faut vous envoyer au camp de concentration. On dit pourquoi? Parce que vous appartenez à un mouvement illégal. On dit, depuis quand votre mouvement est illégal, mais ils ont dit depuis hier. Il y a eu un ordre en conseil de passer des corps à votre mouvement légal. Alors, il faut vous envoyer au clip contre la ça. Et le même soir, vous savez que l'acte de mesure de guerre, le cas de concentration, ça c'est préventif. Si on soupçonne que quelqu'un, par exemple, va se sauver le pont Victoria ou envoyer des messages à l'ennemi, alors pour empêcher que le crime soit commis, on le met en captivité préventive. C'est ça qu'il faut. Ben, dans notre cas, ça a été déclaré punitif. Lisez dans le rancor. Le ministre de la Justice dit ceci. J'ai envoyé Arcan et ses amis au camp de concentration pour être sûr qu'ils ne seraient pas en liberté. Et ce n'est pas la seule punition qu'ils ont subie. C'était devenu une punition. Comme si nous avions subi un procès. Et nous avions été jugés par une cause. Donc, on ne pouvait pas nous amener en cours, nous autres. Pas plus que Camillien Wood. Quand Wood avait dit, si vous signez la carte d'enregistrement, ça veut dire la conscription. Estimentait aussi, il disait la vérité. Il disait la vérité. Il n'y a pas un tribunal au monde, il n'y a pas un jury au monde. Tu peux condamner un gars qui dit la vérité. Alors, comme on ne peut pas le traduire devant un tribunal, on l'a pris pendant la peau du cou, puis on l'a mis en captivité pendant 4 ans passés, 4 ans et demi. Tu sais, il a été avec Hobbiton. Et nous disions ceci, cette deuxième guerre mondiale voulue par les Juifs, imposée par les Juifs, n'a qu'un seul but, répandre le communisme sur la terre et faire crouler les empires de l'homme blanc, de l'Occident. C'est une ville, c'est vrai. C'est vrai. Il semble qu'en disant ces choses, nous rendions service à notre pays, à notre civilisation. Non, il ne fallait pas que nous nous prions. C'était ça le crime. Il ne fallait pas dire la vérité. Alors, on nous a mis là. Et on a violé toutes les lois imaginables. Bon. Moi, on m'a sorti du cap 3 mois après la fin de la guerre. J'avais un ami puissant à Ottawa, un sénateur, qui m'a fait dire, ils veulent t'amollir, ils trouvent que t'es encore trop raide. J'ai dit, ils sont aussi bien de me prendre tout de suite, ils vont m'amollir bien plus vite, jamais de mon vivant, je m'amollirai. Et je céderai à mes conditions, jamais. Et Le patron pour qui j'avais travaillé avant la guerre, à l'illustration, Montréal Matin, m'envoie mon épouse au camp de concentration en 1944. Allez dire à votre mari qu'il va sortir le mois prochain. Le ministre, un tel du cabinet, il dit que ça prend rien que 10 000 piastres. Je vais y donner, moi, 10 000 piastres, qu'Adrien va sortir. Elle vient de ça au camp. Elle peut l'attester. J'ai dit, va dire à Eugène Berthiaud, directeur de la presse, de la patrie, de CKC, de CHSB. Je le remercie de tout mon cœur. Il fait un geste d'amis sincère. Mais va lui dire que je préfère mourir ici si la liberté est à vendre en Canada. C'est la réponse que j'ai rapportée. Alors, nous sortons du camp. Nous allons voir le juge en chef de la Cour d'appel de la paix. Nous lui disons ceci. Votre Seigneurie, il y a 5 ans et demi, on a ajourné sine die notre enquête préliminaire. Pour nous, le sine die devrait avoir été assez long. Voulez-vous, s'il vous plaît, la continuer? Notre enquête préliminaire. Le juge nous répond dans un jugement très élaboré, c'est un jugement écrit. Le seul fait que l'enquête préliminaire au criminel est ajournée sine die signifie que l'accusation est rejetée du rôle. C'est une façon d'acquitter quelqu'un. Hein, ils ont été trop lâches pour le dire, pour avoir rien fait de mal. Pourquoi pas? C'était leur façon de nous acquitter. Alors, quand on a vu ça, j'écris au ministre de la Justice. Il était là, M. Saint-Laurent. Le ministre de la Justice du Canada, parlant solennellement à la Chambre des communes, c'est-à-dire à la nation canadienne, a dit qu'après la guerre, nous aurions des procès. Nous demandons humblement nos procès. Et tout à l'heure, mon ami Bouchard, un autre gibier de camp de concentration, ça fait tout penser, je trouve qu'il y a un jour. Il passait devant la presse, j'étais à bord d'un chien genre. Allô, Adrien! J'ai dit, approche pas, chemilien, gibier de camp de concentration, je fais pas de sorte de monde. Comment, grand maudit, t'es éternel, puisque moi? Alors, moi, c'est un thème de grande amitié pour mes compagnons de captivité quand je les appelle gibier de camp de concentration. On peut bien se le permettre, les Juifs disent qu'ils sont des martyrs quand ils y manquent. Alors, et quand ils y sont surtout pour pas. Alors, le premier ministre, le ministre de la Justice, nous répond ceci. Dans un document officiel, publié dans tous les journaux. 1er octobre 1945. J'ai fait faire une enquête sur le Godaka et de ses amis par Gérald de Fauteux, aujourd'hui de la Cour suprême, procureur de couronne, et par le sous-ministre Barco. Leur enquête révèle que Arca et ses amis n'ont jamais, de frais ou de loin, d'aucune façon que ce soit, nuit à l'effort de guerre. Si j'avais un procès, les causes, les accusations seraient probablement déclarées déchuettes. Le procès ne se terminerait pas probablement comme certaines personnes désireraient, et même s'ils étaient trouvés coupables, la sentence maximum est 2 ans, puis ils ont plus de 5 ans. Ça, c'est le ministre de la Justice qui nous répond ça. Alors, quand on vit, on dit, j'aime bien père, on dit, on va poursuivre le gouvernement demain, on poursuit. Devant la Cour d'échiquier, c'était le juge en chef Thorsen qui était là. On avait dans notre pétition de droit invoqué 144 articles. Le juge en chef Thorsen, il dit, chacun des 144 articles, chacun, milite en faveur d'un procès. Mais il dit, je me demande comment est-ce que c'est que tu peux forcer la couronne. Nous autres, on dit que la couronne a été trompée par ce ministre. Là, le sous-ministre Barco arrive avec un point de loi. King can do no wrong. Le roi est infaillible, le roi ne peut pas se tromper. Il ne pouvait pas poursuivre le roi. Alors, mon avocat, Maître Lavery, qui m'a envoyé un message de Miami aujourd'hui, je l'en remercie bien, dit ceci au juge en chef de la Cour d'échiquier. Alors, votre Seigneurie, On peut en Canada, du moment qu'on dit qu'il y a un état d'urgence, si les ministres n'aiment pas la figure d'un homme, l'emprisonner sans procès, sans accusation, le ruiner dans ses biens, dans sa santé, et il n'y a pas de recours. Alors, ça serait comme en Russie, votre seigneurie. Le juge en chef dit exactement comme en Russie soviétique. Et ça, ça existe toujours. Toujours. Quand un gouvernement communiste arrive au pouvoir, demain, il n'y a rien qu'à déclarer l'état d'urgence. Et sur un simple téléphone anonyme, on va aller chercher un homme chez lui, on peut le garder en captivité pendant 5 minutes de chambre. Exactement comme en Russie. On l'a, cette loi-là. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis qu'on s'en sert mal. Voyez-vous, c'est un peu comme les critiques. Dénonce la finance. D'autres dénoncent telle chose. C'est pas la finance en Allemagne qui est mauvaise. Moi, j'aime pas un revolver devant le nez d'une caissière de banque. Puis j'aime bien un revolver sur le côté d'un policier. C'est toujours le même revolver, mais ça dépend quelle main qu'il tient. J'aime bien un dos revolver dans les mains d'un bon barbier. Mais dans les mains d'un fou furieux, je ne l'appuie pas tout ce même revolver-là. Tout dépend qui contrôle. C'est le contrôle qui compte. Alors, après ça, notre côte, vous savez, elle est toujours pendant la côte pistile. On attend. Mais les partis politiques ont tous peur d'étouffer. Ministre de la Justice libérale, ministre de la Justice conservateur, le nouveau ministre de la Justice libérale, ils ont tout fait pour faire ça. Pourquoi? Ça implique la juiverie mondiale. Ce sont eux qui nous ont dénoncés. Ce sont eux qui nous ont fait envoyer au jour. Pour vous dire jusqu'où ça va. Moi, le ministre avait signé ma libération le 27 juin 1945. T'as signé. Le 28 juin, le lendemain, Pedro se lève en chambre. Est-il vrai que le gouvernement a l'intention de libérer Adrien Arcand? Ils ont menti à la fête. Ils ont dit, c'est pas vrai, pas tout. Mais ma libérateur était déjà signé. Puis là, ben, ça zigonnait, puis ils m'ont sorti, moi, comment pour en rire, petit cœur. J'étais avec mon ami Poitras, tout ici. Il a donc failli me pointer au lit. Moi, j'avais juré, j'avais été très malade au camp. On voulait me sortir chez nous. Aussi longtemps qu'un des hommes qui m'a suivi sera en captivité ici, je ne sortirai pas. Et tous les membres le savaient. Comme d'ailleurs, ils savent que tout ce à quoi je me suis engagé quand j'ai accepté d'être chef, je l'ai tenu. Et d'abondance. Alors, pourquoi trop? Vous savez que j'avais juré que je ferais le dernier sortir du camp. On apprend une fois qu'on doit sortir le lendemain pour l'équipe. Oh, qui avait donc été rempli ce matin-là. Il avait transporté mes valises, mes paquets, tout près de la porte. Puis il disait bon, ben bonjour, bonjour. Il attendait que je sorte pour dire que chez lui, tu serais sorti le dernier. Alors, j'ai 2 secondes en éclairci. Hein? Des fois, le Saint-Esprit, ça vient ici. J'ai dit, tiens, il est trop fin le matin. Là, j'ai dit, sortez, Poitras, sortez. La sortie, on a barré les grilles. Et là, j'ai crié. J'ai dit, hey, l'organisateur provincial, il y a toujours un membre d'unité nationale dans les camps de concentration. Ben, il dit, il y en a mis un camp. J'ai dit, il n'y en a pas d'autres? Non, ben, il couvrait les portes de garde. Là, c'est ça, c'est bon. Alors, depuis ce temps-là, ben, vous savez ce qui s'est passé dans le monde. Les empires occidentaux de l'homme blanc ont brûlé. Vous avez la révolte des peuples de couleur contre l'Occident. Et vous avez la révolte de l'athéisme contre les chrétiens. J'en ai été fatigant, je le dis même à chaque causerie que j'ai faite depuis 1945. J'ai dit, j'en suis fatiguant, je vais vous le répéter tout le temps, parce que sans ça, si vous ne saisissez pas ça, vous ne comprendrez jamais rien à ce qui se passe dans le Québec, au Canada, dans l'Amérique du Nord et dans le reste du monde. Je leur ai toujours dit ceci. Ayez une vision mondiale, comme l'ennemi. Comme l'ennemi. N'ayez pas une petite vision locale qui regarde bien votre petit patelin. Parce que si le Canada sombre dans le communisme, qu'est-ce que ça vaut? Québec, qu'est-ce que ça vaut? On te finit. Si une guerre éclate, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça vaut? Le pouvoir provincial en tant que guerre. Ottawa dit, je garde la gasoline, moi, pour les aviateurs, puis les tanks, puis ça, puis ça. Ben, vous n'avez pas d'autobus qui va de Montréal-Québec, puis on débloque pas les chemins de l'air pendant la guerre. C'est les monopoles d'acier, puis c'est les monopoles de ciment, puis c'est les monopoles de ceci, c'est ça, vous pouvez rien bâtir. Après ça, le gouvernement provincial. Et le Canada, s'il veut rouer, il se fait serrer, il est au Kitchin. Et j'ai toujours basé, depuis toujours, et c'était ça l'enseignement que je donnais à mes amis. La civilisation et la culture occidentale chrétienne, c'est ça qui est menacé. Si le christianisme tombe partout dans le monde, comment voulez-vous qu'on garde dans le Québec? Si la culture et civilisation de l'homme blanc tombe partout ailleurs, comment voulez-vous qu'on la garde? À ce qui est arrivé, avec la dernière guerre, le nationalisme qu'on appelle vertical, la France aux Français, s'accumula, l'Allemagne aux Allemands, s'accumula, le Québec aux Québécois, l'Angleterre aux Anglais, c'est fini ça, c'est du passé. Ce que vous voyez là, c'est un nationalisme racial, continental, horizontal. Vous voyez tous les peuples arabes se fédérer ensemble dans un même groupe national. Les Noirs d'Afrique sont en train tous de se fédérer. Là, on parle de l'Europe-nation, comme autant Charlemagne, l'Europe-nation. Et les Jaunes sont en train de tous se fédérer ensemble. C'est ça que ça met. Et l'avenir, pour nous, Canadiens français, ce n'est plus seulement de regarder Québec ni le Canada, c'est de regarder la race nage, l'Occident, le christianisme. Et je lisais, le mois dernier, quelque chose qui confirme tout ce que j'ai dit depuis 1945, dans le bulletin du secte juif du mois d'août 64, voyez. Le Canadian Jewish Congress, qui n'est qu'une toute petite section du World Jewish Congress, le Congrès juif mondial. Ça, c'est toute la juifie mondiale. Alors, voici ce qu'elle dit. Et il fait des commentaires en marge du Conseil œcuménique. Et voici ce que dit la juiverie mondiale. Dans de telles conditions, la civilisation chrétienne et occidentale ne peut plus dominer le monde. Et le catholicisme doit faire face à de nouvelles forces telles que le communisme et la Bible. C'est beau comme vision. Il ne parle pas des cultures, oui, la culture de l'homme blanc, la culture chrétienne, la civilisation chrétienne. Et catholicisme aura à faire face à la télé. Là, ils font de politique, mais vous direz comment la religion tard. Quand les communistes disent la religion est l'opium du peuple, il faut l'abattre. Nous, gobos, parce que les mêmes communistes nous disent, mais c'est pas une religion, c'est une affaire politique. On ne dépendra pas la nôtre. Pendant qu'eux, quand la détruire, c'est une partie de leur programme, ils ne seraient les derniers des niaiseux et surtout des lâches. En politique, c'est mon expérience, je n'ai pas autre chose depuis 40 ans. Il n'y a que deux sortes de politiques dans le monde. Il n'y en a rien que deux, puis il ne peut pas en avoir trois. Une qui dit « Il y a un Dieu et l'homme est sa créature ». L'autre qui dit « Il n'y a pas de Dieu et les droits que l'homme peut avoir viennent des autres hommes ». Il n'y en a pas d'autres milieux. Et ce sont ces deux choses-là qui se disputent le monde en ce moment. La moitié du monde qui dit « Il n'y a pas de Dieu » et vous allez vivre comme des sans-dieux. Et l'autre moitié du monde qui dit « Il y a un Dieu pas rien en conséquence. Et c'est pour ça qu'il y a tant de haine dans le monde. Quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer les autres. Quand on aime Dieu, on aime les autres. C'est le Christ qui l'a dit. Il n'y a qu'un commandement, aimer Dieu d'abord et à les hommes en fait, son prochain comme soi-même. Et c'est pour ça que le christianisme a envoyé ses plus beaux enfants se faire chatiter, martyriser, torturer par amour pour les autres hommes. Comme est-ce qu'il y en a de centaines et centaines de villes missionnaires. Et regardez la civilisation occidentale. Quand Cartier est arrivé, quand Christophe Colomb est arrivé, quand les conquistadors sont arrivés, quand le Mayflower est arrivé, qu'est-ce qu'on fait sous ce genre-là? Le premier geste, élever une croix. La base fondamentale de la civilisation occidentale. Maintenant, on m'avait parlé tout à l'heure de faire des remarques un petit peu plus près de chez nous. Le séparatisme. Quand il fut question que nous avions une convention nationale, nous autres, à Kingston, il y eut un putsch dans notre parti, fait par les séparatistes du temps, qui ont essayé de le détruire. Ils étaient en, ils sont sortis en, ils n'ont jamais amené un Louisiane avec eux. Ils sont sortis vite. Français, anglais, italien, allemand, espagnol, etc., etc. Ce sont toutes des branches de la même race. Il n'y a que 5 races au Nord, vous savez. La race noire, la race chaude, la race brune, la race rouge, la race blanche. Bon. C'est la race blanche qui est en danger. Il s'agit de nous, contre les fédérations des autres. C'est la race blanche qui est la porteuse de la civilisation. Quand ce juif dit que la civilisation occidentale et chrétienne sont finies, est finie, je lui réponds, monsieur, vous devriez pleurer. Parce que si vous êtes si riche et si prospère, et en tant que sécurité, monsieur, c'est parce que vous êtes dans une civilisation occidentale et chrétienne. Et si vous aviez été élevé en Palestine, vous seriez inquiet de vous. Okay. Et il nous dit, le catholicisme est obligé aujourd'hui de faire face aux portes du communisme et de l'athéisme. Et le judaïsme, lui, il n'est pas obligé de faire face. Si ces gens-là croient qu'ils ont une vraie religion et un vrai Dieu, leur Jéhovah, mais qui vient de s'allier à nous autres contre le communisme et contre l'athéisme, au lieu de les aider. On vous dit souvent, vous savez, il y a de là. L'antisémitisme en Russie. Pas vrai. C'est où ce qui s'est porté dernièrement? Et c'est une des causes de la quête de Khrouchtchev. Khrouchtchev, il y a un an, a ordonné une nouvelle campagne d'athéisme contre Dieu en Russie. Alors, tous les savants se sont lancés. Ils ont publié des manuels contre l'Église orthodoxe, contre l'Église catholique, contre le mahométaïsme. Et les savants d'Ukraine ont publié un livre contre le judaïsme. Mais c'est une religion, ici. Ça s'appelle le judaïsme sans embellissement, sans ornement. Puis là, vous avez vu que le Talmud se faisait passer au bat, pareil comme notre cachet. Alors là, c'était plus drôle pendant toute la campagne là, anti-religieuse. Ah là, c'était grave. Ils ont dit, il y a de l'antisémitisme. Ils n'ont jamais dit, il y a de l'anticatholicisme, de l'anticristianisme. Ça fait erreur. Hein? De tout ceci, le tréfonds de la bagarre, c'est deux missionnaires, quand ils vivent la civilisation chrétienne est finie. Ça veut dire l'œuvre du Christ est finie. La religion du Christ est finie. L'enseignement du Christ est fini. Mais il n'y a jamais une civilisation qui tombe sans qu'un autre automatiquement arrive. À laquelle va remplacer la civilisation chrétienne? Si, comme le dit le Congrès juif, la civilisation chrétienne doit tomber, qui va la remplacer? Laquelle? La juive. La juive. est une négation de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons fait, de toutes les splendeurs et les grandeurs de l'Occident, qui ne sont pas capables. Prenez les nègres, prenez au Congo, dehors les blancs, ils ont sorti tout éveil, incapables de se passer de notre civilisation. Le lendemain, quand ils viennent dans Québec, envoyez-nous des médecins, des gardes malades, des professeurs, envoyez-nous des infirmiers, des ingénieurs, incapables d'en produire eux-mêmes. Les Indes, c'est la même chose. Envoyez-nous à manger, vous. La Russie, la Chine, Cuba. Ils ont tout détruit. Ce qui a fait la grandeur, la prospérité et la puissance américaine, il aurait pu simplement nous copier. Non. Ils ont détruit tout ça. Ben, regardez-les crever aujourd'hui. Et qui nous tendent la main. Et ils sont en train de débaucher nos jeunes. Nos jeunes d'une telle. Surtout dans les universités. L'œcuménisme, ça fait 30 ans qu'on en parle. Moi, j'ai passé des veillées entières avec le doyen de la faculté de théologie anglicane, Dr. Harvey Jelly, quand Dr. Degory passait de nommer là, puis s'en allait de l'œil, puis ça a 30 ans. Il y a 30 ans qu'on discutait tout ça. Puis avec tous les pasteurs anglicans, les pasteurs luthériens au camp de concentration, les amis qui sont ici peuvent vous le dire. Un jour de Pâques, 44, je crois. Aucun aumônier vient nous voir. Il était payé par l'armée pour venir. Personne n'est venu. J'ai été voir les pasteurs luthériens, les pasteurs anglicans. J'ai dit, écoutez, Pâques, c'est la fête à nous, les chrétiens, la plus grande des plus grandes. On ne peut pas laisser passer ça comme ça. Ils ont dit, qu'est-ce que vous suggérez? On va se faire un service. Le credo est le même pour tous nous autres. Le pater noster, c'est le même pour tous nous autres. Puis l'évangile du jour, c'est le même pour tous nous autres. J'ai dit, ce qu'on va faire, on va se réunir dans la même salle. Vous, vous allez lire en italien l'évangile du jour, le credo, une fois que tu moi, je vais le faire en français, un autre va le faire en allemand, vous le ferez en anglais, puis vous le ferez en hollandais. On tu fais ça. Catholiques, protestants, orthodoxes, d'Aramène, des l'Irak, je ne sais pas trop. On a joué de la musique de Bach, écrite, je ne vois pas. En sortant, tout le monde se sentait prêt, se donnait la main, et puis il disait, after all, we're all Christians, we're all baptized. Maintenant, séparatisme. Il n'y a qu'une porte devant Moscou, l'Amérique du Nord. Et l'intérêt politique de Moscou, c'est de voir à ce que cette porte soit effritée. Déjà, ils ont enlevé l'Amérique du Nord, Cuba, qui est une agence soviétique. Québec, regardez quels sont les leaders séparatistes. Les chanteuses castrées, les chums castrées, une bande d'importés de Belgique et de France, des francs-maçons, des athées, qui s'en viennent salir, qu'on a tout beau chez nous, notre jeunesse. Je voyais l'autre jour le compte-rendu du synode des évêques anglicans à Lennoxville, il y a 4 semaines. Un très révérend archidiacre se lève et dit ceci. Voici des chiffres pénibles. 33% des universités, des élèves de l'Université catholique de Montréal se déclarent athées et non pratiquants. 22% des élèves de l'Université catholique de Laval se déclarent athées et non pratiquants. Et l'évêque anglican dit ceci. Devant des faits d'une telle nature, comme chrétien, notre devoir le plus urgent est d'aller au secours de l'Église catholique dans Québec. C'est une honte historique, accablante pour les chefs de nos universités catholiques. Si encore ces enfants-là étaient allés dans des universités communistes, on dirait, ben oui, ils ont passé par des universités communistes, ils sont devenus incroyants athées, mais ils sont passés par des universités catholiques qui ont une charte du Vatican. C'est honteux. Et ils devraient se faire un fameux nettoyage de ce côté-là. On veut effriter, diviser. Les États-Unis ont dépensé 120 milliards depuis la fin de la guerre. Pour soutenir les peuples tombés par terre, les fusés, ruinés par la guerre. Partout ils se font crier, Yankee, no go home. et on veut que nous fassions notre sort. On en veut aux Anglais, à la couronne anglaise surtout. Voici ici, on savait donc enseigner l'histoire, mais la vraie histoire à nos enfants. La bataille des plaines d'Abraham, ça a été rien qu'un petit courant d'air dans la guerre de 7 ans. Et si on l'a perdu, c'est parce qu'un Canadien français nous a rendu et a permis aux armées de Wolfe, au Hessois. Le corps de peintre, mon cas, la Canadien français. Nous sommes tombés sous la couronne anglaise, de Grande-Bretagne. Ce sont nos ancêtres de la Petite-Bretagne qui ont traversé la Manche et qui sont allés dire, tu vas t'appeler quoi, la Grande-Bretagne. Ce sont nos ancêtres de Normandie qui sont allés là, qui ont dit, toi, on va te mettre des choses sur tes écussons. On y soit, tu m'alibances. Dieu est mon roi, tu ne pourras jamais traduire ça en anglais. Et qui ont planté la fleur de lys sur la couronne anglaise pour la couronner. Ce sont nos ancêtres, tout ça. Si nous étions restés colonies françaises, parce que nous n'avons jamais été des vaincus, nous avons été des cédés, des concédés, des abdiqués, des abandonnés au traité de Paris. Dans ce temps-là, un traité, c'était encore dans le sens chrétien, c'était pas un diktat imposé à un vaincu à terre. C'était un traité entre gentilhommes et chrétiens. La France a eu le choix entre la Guadeloupe et le Canada. Elle a dit, gardez le Canada, je préfère la Guadeloupe. C'est ça qui est arrivé, comme nous, il ne dit pas. Nous sommes des abandonnés. Et si nous étions restés colonies françaises, jamais nous n'aurions eu une législature à nous, chez nous, ici. Nos députés auraient été comme ceux de Saint-Pierre-Miquelon et partout ailleurs où j'ai été siégé à Paris, parmi les francs-maçons, les sans-dieux, les athées. La couronne anglaise, Dieu est mon droit. Elle proclame Dieu dans notre mort, elle. Nous a laissé notre langue. Quand nous avons eu à choisir entre les États-Unis et l'Angleterre, nous avons choisi l'Angleterre. Pourquoi? Allez demander aux Acadiens de la Louisiane, aux Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre, s'ils sont capables de parler français au Parlement de Washington, au Congrès, s'ils choisissent un petit bout de papier en français. Ils n'ont même pas droit à ça. Mais l'Angleterre nous l'a donné, elle aurait pu nous le refuser. Nous lui devons ça. Et je suis monarchiste par nature. On parle de président. Président, c'est l'abandon de la couronne. Du trône. Ça, c'est un complot mondial. Il faut renverser le trône et l'autre rôle. Quand Louis XVI a été guillotiné en France, que le trône est tombé, le lendemain, on proclamait le culte de la déesse Présemont comme culte national. Et on prenait la plus grande prostituée de Paris et on la mettait flambant nue sur l'autel de la Sainte-Vierge à la place de la Madone dans l'église Notre-Dame de Paris. Le trône, le glaive, soutient l'autel, était tombé, l'autel tombait avec. Quand les tchars de Russie se sont fait fusiller, le trône est tombé. Le lendemain, l'autel était tombé. Moi, j'aime le trône parce qu'il est soutien de l'autel et surtout notre couronne parce qu'elle dit gardien, défenseur de la foi. Qu'est-ce que j'aime, madame Johansson? Je suis monarchiste. Parce qu'un roi est élevé pour régner. C'est presque indescriptible ce qu'on fait subir à un prince qui doit régner. Et quand il a le malheur de faire une coche, on ne le juge plus digne que la couronne. Regardez ce qui est arrivé à l'homme le plus populaire des temps modernes. Pour vous souvenir du prince de Galles de Warwin. L'homme le plus aimé de l'Empire, le plus populaire à travers le monde. À un moment donné, via radio, en parlant de Madame Trump, The Woman I Love, la femme que j'aime. Elle était l'épouse dans ses sujets, épouse non divorcée du colonel Simpson. La vieille reine Mary, marchant sur son cœur de mère, est allée voir le premier ministre Stanley Baldwin a dit, c'est mon enfant chéri, c'est lui que j'aime plus que ma vie, mais il est indigne de porter la couronne, faites-le sortir. Et ils l'ont forcé à quitter. C'est ça la beauté de la couronne. Et le président de la République, regardez donc aux États-Unis à beauté. Quel bain de boue on leur fait prendre. Grafteurs, associés de ces filles, d'homosexuels, voleurs, il n'y a pas un crime qu'on ne reproche pas. On les traîne dans leur ruisseau. Leur celui qui est président, commandant en chef de l'armée, de la marine et de l'aviation, ses propres soldats disent c'est un grafteur, je vais voter contre. Mais croyez-vous, on peut arriver à date de la totalité de l'autorité avec une pareille chose? Jamais! La couronne, elle ne participe pas aux élections, elle règne. Elle est au-dessus de toutes les saletés. Et c'est pour ça, Max, de suivre dans tous mes ancêtres qui se sont battus sur les plaines d'Abraham pour la couronne française et dans tous les autres combats pour la couronne anglaise. Je suis monarchiste d'ailleurs comme notre race. La seule race blanche au monde qui a vu une couronne régner sur elle sans interruption depuis des milliers de Jacques Cartier. Quand la France a coupé la tête de ses rois, nous avions un roi anglais. Quand les Anglais ont tué leur roi Charles et ont mis Cromwell, le protecteur, nous avions un roi comme ça. Nous avons eu une couronne sans interruption et une couronne si propre. D'ailleurs, c'est dans la nature des choses. Qu'est-ce que c'est que les hommes veulent? Les ambitieux, de quel qu'ils soient, la richesse. Quand ils l'ont, ça ne suffit pas. Ils veulent la République. Et quand ils l'ont, ça ne suffit pas, ils veulent la gloire. Et où est la seule gloire au monde? Elle réside dans la couronne. Et les Américains qui se prétendent les plus démocrates de la Terre nous donnent 250 000 couronnements par année. On couronne la reine des peanuts, la reine des jarretières, la reine du popcorn, la reine du blé d'Inde en épi, la reine de la raquette, la reine de ci, la reine de ça, la reine du coton, des fraises, des framboises, des atacas, ça ne finit plus. La nostalgie de la couronne. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'en vient quand la troisième phase traîne. Elle s'en vient, la troisième phase, beaucoup plus vite que vous ne pensiez. Maintenant, où est l'espoir? L'espoir, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Il ne sait rien là. Goldwater, après 33 ans, un tiers de siècle de révolution socialiste, parce qu'on a appelé ça la deuxième révolution américaine, il se lève pour aller dans le centre ou après. On le traite de fou furieux, de nazi, de fasciste. Pourquoi? Parce qu'il demande qu'on reste reconnaisse et respecte Dieu, qu'on chasse la canard, qu'on fasse face aux communistes, sans concession, sans abdication, qu'on cesse d'aider nos ethnies, que lorsqu'on engage une guerre, que ce soit pour la gagner et non pas pour l'oppression, le fragile, l'ennemi de la plus civilisation. Automatiquement, aussitôt que Chélevé qui l'a parlé, l'a vu, puis nos gens du CEP, puis nos Jean-Louis Gagnon, puis nos Gérard Pelletier étaient affolés. Panique! Panique mondiale, les journaux de France, d'Italie, tout ce qu'il y a de monde, les journaux de Castro, de Khrushchev, de Chine, de partout, anti-Goldwater, radio, télévision, qui s'ouvrait. Puis là, il va se faire battre à 3-1, 4-1. Et les mêmes gens qui nous disent, Goldwater est battu. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit avant la convention de Pape Machito? Ah, Goldwater va se faire battre à 3-1. C'est lui qui a tout battu à 3-1. Ensuite, nous avons dit, le mouvement, stop Goldwater, arrêtez Goldwater, c'était lié avec Scrambler, Rockefeller, tout ça. Il est fini. Les mêmes commentateurs qui nous parlent de lui. Ensuite, il nous avait dit pour les primaires, ben Rockefeller, Valais, la Californie. Les mêmes gens. Il se fait pas la place. Il nous avait dit, Cabot-là, tu vas avoir mis qu'un état. Il nous a campé. Et ce sont les mêmes prophètes qui nous arrivent avec. Maintenant, pourquoi tant d'affolement? Pourquoi cette campagne est-elle si sale? Pourquoi va-t-elle coûter de 3 à 4 milliards de dollars? Parce que les forces du mal sont en panique. On a vu se lever un homme de cran un homme propre qui n'a pas peur de dire la vérité. Et s'il fallait qu'il soit élu, c'est la crainte du gauchisme. Veux pas la France être obligée de s'en aller à droite, l'Italie, l'Angleterre, parce que les États-Unis, c'est encore le leader de l'Occident. Et c'est ça qui fait peur à tout le monde. Et j'ai refusé depuis 1945 peut-être 12 000 applications de maintien d'un parti. Puis je ne sais pas le temps. Il faut que ça vienne de Washington. Il se peut qu'à partir du 3 novembre, ça vienne de Washington. Puis je dis, en attendant, je vais former des jeunes chefs. Ce qu'il y a de plus rare au monde dans un moment de crise, ce sont les chefs. J'en ai d'abord dans mes compagnons d'armes qui m'ont accompagné dans toutes les tribulations, tous les déboires, toutes les injustices du cas de confrontation. Et c'est de l'acier bien trempé. Et vous le voyez, parce qu'ils ne regrettent pas leur douleur, ils ne regrettent pas leur tribulation, ils en sont fiers, ils en sont contents, et leurs convictions et leurs principes sont plus fermes aujourd'hui qu'avant tout ça. La seule consolation que je leur ai jamais donnée, c'était dans le temps de leur dire le vieux vert, le vieux gris, pendant que c'était noir, qu'on voulait, qu'on arrachait, qu'on pouvait pouvoir nous faire nos gardants, forçant d'être à côté du ministère du Babé. Peut-être qu'un jour, ce sera une joie pour nous de se souvenir de tout ça. C'en est une. Maintenant, comme vous l'avez dit, j'ai formé des jeunes chefs, des beaux, pour prendre le relais, ceux qui connaissent la politique et le fond d'en compte. J'espère qu'un lundi viendra, comme je vous l'ai dit, me débarrasser un jour du fardeau vraiment pesant. Et je ferai son meilleur lieutenant, parce que je n'ai jamais craint de régimer. Des heures de fièvre s'en viennent. On est à la croisée des chemins de l'humanité. De l'élection américaine du 3 novembre, dépend le sort futur de l'humanité. Le sort futur de la civilisation, de la culture occidentale et chrétienne. Si ça tourne dans notre champ, je ne dis pas à nos membres d'aujourd'hui, soyez prêts à partir, mais je vous dis, soyez en état d'alerte et attendez. Ça ne sera pas long. Alors, pour terminer, je veux remercier encore une fois, d'abord, mes compagnons de malheur et de captivité, qui m'en ont ici ce soir encore de leur confiance. Je veux remercier les veuves dont les époux sont plus, sont morts des effets du camp de concentration, et dont un est mort même là-bas, alors qu'on laissait tous les étrangers aller mourir dans leur famille. Les Canadiens frontières ne leur permettaient pas. La Croix-Rouge canadienne ne voulait rien envoyer aux Canadiens frontières, en envoyant tous les autres mécaniques. Enfin, il n'y a pas de petitesse, il n'y a pas de mesquinerie qui ne nous a pas été faite. Mais ça, c'était dans le jeu. Nous savons avec quel adversaire nous avons affaire. Nous savons que nous, qui aimons notre patrie, qui aimons les êtres humains, qui aimons notre Dieu, notre race, nous avons affaire à des haineux congénitaux, des haineux d'enseignement, qui nous considèrent comme des animaux sans valeur. Parce qu'il y a quelque chose qui dit que seuls les Juifs sont innards. Alors, nous savons que nous devons faire face à ça. Et ce pauvre M. Sarhead, lui, il y a 26 ans. Vous dites, monsieur, voici l'égalisation occidentale des chrétiens est finie. C'est ce que vous croyez. Avec votre cinéma pourri, votre pornographie, la décomposition des beaux-arts, avec l'appollement des idées que vous répandez, vous pouvez saouler un peu le cerveau occidental. Vous pouvez salir un peu l'âme occidentale, mais vous ne pouvez pas la tuer. Il y a en ce moment dans le monde 250 000 environ hommes sérieux, intellectuels, savants, connaissent le complot et qui se préparent à diriger la contre-attaque. M. Reed essayait d'apprendre ça. Et lorsque se réveillera dans sa grandeur, dans sa beauté sublime, dans sa majesté, la culture et civilisation chrétienne pour reprendre le chemin qu'elle avait suivi jusqu'à la Révolution française, ôtez-vous dans son chemin, M. Reed et vos semblables. N'essayez pas d'entraver sa marche, parce qu'il ne reste pas grand-chose. Merci. Donc,